Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-da-da. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-da-da. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-da-da. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-da-da. À en croire vos préjugés, je suis facile à gruger. D'après ma couleur de cheveux, selon un tas de sornettes qui se racontent à la sauvette, je serais idiote et c'est fâcheux. J'en entends des pas mûrs et des vertes sur ma chevelure, la toison d'or qui vous éblouit. Vos blagues de potache me font passer pour une tâche, mais je les emmerde. Credi. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-la-la. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-la-la. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-la-la. Pa-da-pa-pa-da, pa-pa-la-la. Si j'en prends pour mon grade dans cette machination fade, rien de tout ça ne m'importune. Car y a pas très longtemps, encore c'est rassurant, on a tondu même des brunes. Je ne vais pas me plaindre, le pire dans votre jungle digne de la bêtise humaine. Par vos conneries fécondes, serait que j'eusse été blonde et de surcroît noire et lesbienne.